Gordo. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir, chers auditeurs, auditrices d'RQC. Bonsoir, Sylval. Ça va, en forme? Attends, parce que là, on accroche tout, Oui, c'est l'Arsène Lupin, comme on dit. En forme? Allez, c'est le lundi, hein, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, on va commencer... Il y avait déjà bien longtemps qu'on n'avait plus ce petit souci hein, de parler de RIP encore une fois d'un RIP voilà et donc on va tout doucement rendre hommage à un grand guitariste qui nous a quitté hier je crois hier exactement c'est monsieur tout simplement Joey Alves qui était le premier guitariste de YNT voilà qui a fondé le groupe d'ailleurs avec YNT. Et donc je dis pas de bêtises, il était au sein du groupe de 77, c'est ça, jusque 89. Exactement. Et il a écrit les plus grandes chansons. Et voilà quoi. Donc on va s'écouter Forever et on se retrouve tout de suite après le temps que je règle un petit peu le petit problème que on a de l'Arsène Lupin sur la table de mixage. Oui, c'est les nouvelles, hein, c'est ça, bien ouais. Préciser. Voilà, c'est pour ça. Allez, Forever en hommage à Joey Alves. We'll be right back. Yesterday and Today Forever, c'était l'autre hommage à au guitariste Joey Alves. YNT. Oui, voilà, c'est le troisième déjà. Hein. Oui. Donc il n'y a plus que monsieur, monsieur voilà. Mikitis voilà. qui reste fondateur. Les autres sont décédés de cette maladie de merde, hein, comme on dit à Tout chaque à fois. Fait. Voilà, donc c'est triste et triste. Alors, on va redémarrer dans la bonne humeur. Hein. Voilà, c'était Forever, donc Yesterday and Today. YNT, on rappelle aussi, YNT sera en concert à la rentrée. Tout à fait, on va bientôt les voir. Hein. Ouais. De toute façon, ils sont souvent par ici. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'ils font souvent un petit tour du côté de Courtrai. Voilà, donc on sera là pour les accueillir comme il se doit. Ah. Alors, on va continuer avec une nouveauté. Aldaria avec Lost in the Darkness Below. On retrouvera bien les rubriques, bien entendu, de la Sylval Song, la Slasher Song, même s'il Tout n'est pas fait. Là. Et bien entendu, des titres que tu nous as apportés. Eh oui, oui. Voilà, c'est parti. We'll be right back. Juste à l'instant, c'était Aldaria avec Lost in the Darkness Below. On en profite pour faire un petit coucou à Phil Leta, chanteur de Tilldown, qui nous regarde. Coucou Phil, on attend avec impatience le deuxième album de Tilldown pour venir le présenter ici. Hein. Voilà. Donc, ouais. Tu sais ce qui t'attend. Voilà. Alors, on Moi, y va. Moi, je fais un rapide coucou aussi. Vas-y. Je fais un rapide coucou à Céline, à Laurence, voilà. À Thierry. Oui, Thierry Dracar, je suppose. Non, c'est Thierry Existence. Existence. Oui, qui sont en tournée d'ailleurs, Existence. Ça commence à tourner chez eux. D'accord. Je fais un petit rappel de date dans l'émission. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, on aura peut-être l'occasion de les voir. J'ai vu qu'ils passaient au Titan Club. Oui. C'est à Mons, Mons Belgique. Ouais. Enfin, donc, c'est Lens. Lens Belgique. Enfin, j'arrive pas, j'ai pas enfin, vraiment la notion. Lens Belgique, juste à côté de Mons. D'accord, parce que j'ai pas du tout la notion de la géographie ici. Ben, on a 80 km. Tu me lâches, moi je suis abandonné comme un véritable couillon, je tiens à le dire. Voilà. Alors. Donc, tu vas nous proposer quoi d'abord dans un premier temps? Alors écoute, ben, moi je suis très fière de... très fière, ben oui. Je suis très fière d'annoncer le deuxième album d'Inglorious. Oui. Et ben là, j'ai préparé le titre « Don't Need Your Loving ». D'accord. Et on rappelle que normalement, l'album va sortir incessamment sous peu. Et, il me semble qu'il sort au mois d'avril. Voilà. Et en plus de ça, ils seront au Hellfest. Oui, ça tourne Hellfest, Graspop, en Suède, enfin un peu partout en Europe. Inglorious, ben comme son nom l'indique, c'était peu glorieux en français et qui va finir victorieux, j'espère. Je l'espère pour eux car ils le méritent très, très fort. C'est très prometteur, hein, futur rockstar anglaise, la ouais. critique le dit. Voilà, et nous on sera là aussi au Hellfest pour vous raconter un peu les... Ben, écoute, j'ai très hâte de les voir parce qu'en plus, ben... je sais pas qui s'est passé dans le groupe, je demanderai, ben ça sera le fait peut-être d'une petite interview aussi, de demander enfin vaguement le départ et l'entrée d'un nouveau guitariste. Oui. Donc le départ, ben, il est parti malheureusement, mais le départ est toujours plus l'arrivée est plus important du nouveau guitariste parce que ben ils nous l'ont pas trop présenté, j'ai remarqué. Pourtant, à mon avis, il doit intégrer totalement le groupe maintenant. Oui. Écoute, j'ai pas eu de nouvelles. T'en as eu, toi, ou non? Non, j'ai pas eu du tout. Mais à mon avis, ils n'ont peut-être pas eu le temps, parce que je crois qu'il est parti juste après l'enregistrement, ou peut-être pendant l'enregistrement. Donc... Bah, écoute, je sais que je lui ai envoyé un petit message privé, mais bah, écoute, j'ai eu un petit message privé à un inconnu. J'ai pas eu son nom. Ouais. Ben voilà, voilà. Nathan, hein. Tu sais ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Allez, je te laisse annoncer ton titre, et on se retrouve juste donc, pour l'écouter. C'est Inglorious, donc deuxième album. Et le titre, c'est « Don't Need Your Loving ». C'est parti. We'll be right back. Très très très bon choix de ta part. Découverte. Hein. Donc deuxième album, d'Inglorious, groupe anglais. Oui. Donc le premier album, il y avait déjà bien cartonné. Et le deuxième, c'est tout le mal que je leur souhaite, c'est qu'ils recartonnent d'autant plus. Voilà. Donc c'était le titre « Don't need your loving ». Bah, je crois qu'ils sont sur la bonne voie. La bonne voie, hein. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Ouais, ouais, ouais. Là, on les verra bientôt. Un groupe que j'ai découvert chez notre fameux disquaire à Courtrai. Hein. Voilà. Incroyable. Hein. Dès que j'ai entendu, je lui ai dit tout de suite « Mais c'est qui ?» Mais ça j'aime, mais ça j'aime. C'est qui ? C'est qui qui ? Alors là, on va s'écouter un petit coup de cœur chez moi, c'est Razmataz. Et on va s'écouter Bad Girl, Good Loving. C'est pas mal du tout. Tu vas voir, c'est vraiment bien foutu. Bah écoute, je vais dire ça. Bah tu vois là, Sylvain, c'est encore un petit menu découverte. Ouais. Hein. Bah ça écoute, c'est ma cam, hein. Comme on en parlait en studio, ça me fait penser un petit peu à du David Lirotte. Voilà. Et le groupe, ça s'appelle Razzmatazz avec Bad Girl, Good Loving. L'album est dans le même acabit, franchement, il est superbe. Il est exactement l'heure de retrouver la Slasher Song, même s'il n'est pas là. Il nous met toujours des trucs pas mal. Bah, là, il a voulu reprendre une chanson très très connue, hein, qui a même figuré dans un thème de James Bond. Donc voilà, donc le Slasher et son menu découverte. Et on se retrouve tout de suite après son titre qu'il nous a décidé de nous jouer. Voilà, on se retrouve après la Slasher Song. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Young and your heart wasn't open, but you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let. D'habitude, le choix du slasher, ouais, hein, on reste toujours... Un super bon son, hein, les guns. Hein. Ah ouais, on reste toujours baba avec son choix. Hein. il sait y faire quand même. Hein, Tu vois, il est petit, comme on dit toujours un gosse. Et tu vois, il y a des super bons choix, ce gamin. Ouais. Et puis, il nous fait découvrir des trucs. Hein, Ou il nous fait redécouvrir. Exactement, dans nos souvenirs enfouis. Ouais. Et là, donc, il a été choisi sur l'album donc, de Guns N' Roses, Heroes Illusion, partie 1. Living Let Die, une reprise, bien entendu, hein, qui était des Beatles. Et qui a choisi aussi d'être du James Bond, de Vivre et Laisser Mourir. Oui. Donc voilà, il a choisi Living Let Die. C'était aussi une émission politique chez nous. Ah, ça, je ne sais pas. Moi et la politique, on est... Il y a longtemps, hein, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin bref. Voilà. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, il sera aussi au Hellfest. Vous tracassez pas, on fera une émission spéciale Hellfest. Ouais, spéciale L. comme on fera une émission spéciale Alcatraz, Remfest, Lockersfesten, donc on sera sur tous les fronts, mais il sera, mais il c'est pas le leader du groupe, mais il sera avec le leader du groupe. C'est un guitariste qui vient de sortir son album qui est monstrueux, qui s'appelle Season of the Witch. Le guitariste, c'est rien d'autre que Monsieur John Five. Ah oui. Il sera avec Monsieur Rob Zombie. Voilà. Ah, John Five, ancien guitariste aussi de Marilyn Manson. Voilà, et je crois qu'il s'épanouit beaucoup plus avec Rob Zombie. Je pense. Il a beaucoup plus à dire et beaucoup plus à faire. Je pense qu'il a trouvé sa cam et je pense qu'ils s'entendent beaucoup mieux. Voilà, et il a beaucoup plus de choses. Ouais. Voilà, il a beaucoup plus la création artistique avec Rob Zombie. Il faut savoir aussi qu'il participe à tout ce qui est bande originale de film aussi de Rob Zombie et tout ça. Donc il a vraiment tout ce qu'il faut, là où il faut. Allez, John Five avec The Creature, c'est le nom de son groupe, et on va s'écouter Making Monster, et on se retrouve tout de suite après avec un des titres. Yeah. un fou ouais. Ce mec. Hein. Ouais, très gentil aussi. Hein. Ouais. John Five. Accessible et ainsi de suite. Ouais. Très sympa. John Five avec donc son groupe And the Creator avec Machine Monster. Franchement, une tuerie cet album, je vous le conseille. Alors, on poursuit cette programmation avec un de tes titres encore, Sylvain. Oui, donc moi j'ai choisi de faire découvrir Black Mirrors oui. Avec le titre Funky Queen. Oui. C'est pas Funky Town ? Non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Non, non, non, non, non. Te connaissant, c'est plus rock'n'roll, ça c'est sûr et certain. Ah, tout à fait. Moi, tu sais que je suis plus basée sur tout ce qui est assez rock'n'roll. Bon, glam, c'est beaucoup l'habillement glam, mais bon, j'aime bien hein, Mister Mist, tout ça. Je suis bientôt en passé, hein, tiens. Tiens, en parlant un peu de glams, tu sais qu'il va y avoir un festival glams avec pas très loin, en Belgique. C'est quelqu'un que je connais qui l'organise en plus. Voilà, donc ça pourrait peut-être être intéressant pour nous, nos vieilles carcasses. Voilà. Oui, ça aussi, il faudrait que je regarde. Voilà, ouais, tout que à fait. Je regarde les dates de concert pour annoncer ça. Voilà. Allez, on va s'écouter Black Mirror alors, hein. C'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Avec Black Mirrors, il y a un S. Ouais. Donc il y a plusieurs miroirs. Oui. Avec Funky Queen. C'est parti. Ben franchement, Sylvain, encore une fois, excellent, pas mal ton choix. Ça déménage bien. Hein. Pas mal donc, du tout. Donc c'était les Black Mirrors avec le titre Funky Queen. Et sincèrement, ben encore une fois, waouh, c'est pas mal. C'est très bon. Ouais, bon riff de guitare et très bonne voix. Enfin moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. Voilà. Alors le prochain qu'on va s'écouter, donc c'est Scented Sinner avec le titre Beauty. and the Beast, et c'est le titre éponyme de l'album, Sainted Sinner, donc groupe et le titre éponyme de cet album, et on se retrouve tout de suite après, donc c'est une petite nouveauté qui est vraiment pas mal du tout. Et ben on va s'écouter ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Ben franchement, ça déménage, hein, ça, avec les orgues et tout, c'est clair. C'est canon, hein. Voilà, donc c'était tout simplement Sainted Sinners avec Beauty of the Beast, qui est la belle, qui est le beau, je sais pas, qui est la bête, j'en sais rien non plus. Ben écoute, mais l'album, suivre, hein. L'album, il est béton quand même. Hein. Le prochain, on approche tout doucement vers 21h. N'oubliez pas, c'est la balade crapuleuse. Et aujourd'hui, j'ai choisi un groupe que tu kiffes, ça c'est sûr. Ah bon. Voilà, mais on a encore un petit quart d'heure devant nous. Hein. On fait un petit coucou du côté de Marrakech. On nous écoute aussi au Maroc, ça fait plaisir. Oui, un petit coucou à Lionel, voilà. Et un petit coucou à ma famille Ibrahim. Voilà, donc on fait des coucous partout, on fait des bisous partout, partout, partout, et même du côté de Charleroi. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est Astral Door avec God is the Devil. L'album s'appelle Black Eyes Children. C'est parti. We'll be right back. cry. Alors je sais pas si t'es comme moi, hein, Sylval, si tu as aimé Astral D'Or avec God is oui, the si, Devil. C'est bien, ça, c'est ma cam. C'est ta cam. Oui, jusque-là, oui. C'est ah, la cam. Jusque-là, ça passe. Oh, la cam de chez cam. Alors, on en profite pour un petit coucou au Slasher qui nous a fait un petit coucou, qui n'est pas là, mais il sera là la semaine prochaine. Et la semaine prochaine aussi, on aura un groupe moucronois de la région en interview. C'est un peu grunge, je crois que c'est Sug, je crois, voilà. Donc, pour leur release party, ils viendront nous parler un peu en studio de leurs produits. Voilà. Oui. Voilà. Alors, le prochain, bah, c'est Forsen avec Bloodline. C'est nouveau, c'est tout frais. L'album s'appelle Grave Danger. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ça va déboîter un petit peu, juste avant la balade. On aime bien de vous faire un petit peu déboîter. juste un instant, c'est Forresen avec Bloodline. C'est une nouveauté. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est encore une petite nouveauté. Et là, c'est Elodie qui nous l'a envoyé. Elodie, donc, qui fait son petit taf, son petit bout de chemin. Elle travaille bien, Elodie. Ouais. Et très elle... agréable, accessible aussi. Ouais. Voilà. Et n'hésitez pas à lui envoyer vos maquettes. Vos maquettes, vos albums, et elle pourra vous aider éventuellement à essayer de faire une promotion pour vous. C'est le Hello. Et elle fait ça ouais. Très très très bien. Et là, elle nous a envoyé une petite galette qui s'appelle tout simplement, le groupe s'appelle Extravision, et on va s'écouter Flame of Industry, et on se retrouvera pour la petite balade que je suis sûr tu dois kiffer. Ce groupe qui existe depuis pas mal de temps déjà. D'accord. Voilà, mais d'abord, on va s'écouter donc le groupe Extravision avec le titre Flame of Industry, et on se retrouve tout de suite après. Balade crapuleuse, ben c'est bien un petit rugissement comme ça. Écoute, faut pour tous les goûts, toutes les couleurs, bon voilà. Ça change. Hein, ouais. Et c'est Ellie hein, qui en assure la distribution. Ellie Promo. Voilà. Et franchement, Je vous dis, si vous êtes un petit groupe, bah, n'hésitez pas à la contacter. Contacter et... Voilà. Et si vous n'avez pas les contacts, vous pouvez venir chez nous et on se chargera de vous donner tout ça, bien entendu. Tout à fait. Voilà. C'est avec grand plaisir même qu'on peut vous aider, voilà. Éventuellement. Et il ne faut pas avoir peur, elle bosse très, très, très bien. Elle est déjà venue ici en studio. Elle est très sérieuse. Très sérieuse, voilà. Donc, c'était tout simplement le groupe Extravision avec Flame of Industry. Il est l'heure de passer à la balade crapuleuse et comme je vous ai dit, ben, c'est un groupe fort connu, très très connu. Au départ, on ne savait pas qui c'était parce que ils n'étaient pas très très connus. On ne les reconnaissait pas quand ils se promenaient dans la rue. D'accord. Puis un jour, ils ont dit ben, les masques. Et après, ben, on savait à qui ils ressemblaient. Ils jouaient avec un masque ? Non, on ne savait pas à qui ils ressemblaient. Puis un jour, ils ont dit ben, on va montrer nos vraies tronches. Et voilà, donc il s'agit bien entendu de Kiss. Ah oui, Kiss. Et là, j'ai choisi une balade crapuleuse de Kiss. Il y en a, faut dire, faut pas, il n'y en a pas des masses. Et là, j'ai choisi Reason to Live, une balade de Kiss. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, c'est la balade crapuleuse de ce lundi. Bon choix. Nobody around. All I hear is the sound of a broken. Voilà, donc c'était le choix de la balade crapuleuse, les amis. Quel bon choix. Ouais, ben. Franchement, Reason super to bon live. Choix. C'était Reason to Live. Voilà. Bon, il est temps de se réveiller un petit peu. Hein. C'était la balade crapuleuse de ce lundi. Et comme je disais, donc, hors antenne, et Kiss, ils ont fait de très très bons tubes, mais des balades. Il n'y en a pas des masses non. sur leur discographie. Non, c'est vrai. Mm-hmm. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, on va s'écouter maintenant, juste avant de trouver un titre que tu nous as choisi, on va s'écouter Don't Try This avec My Burden, extrait de l'album Realest Slave. Et on se retrouve tout de suite après avec un petit titre. Ok. thème, hein. C'est un peu un de mes coups de cœur quand même. Le groupe Don't Try This avec My Burden. J'ai vraiment, vraiment aimé cet album. Voilà. On se retrouve avec un de tes titres. Oui, donc c'est le groupe Stryker. Oui. Donc tu connais. Hein. Oui. Avec le titre Born to Lose. Born to Lose. Tout un programme. Voilà. Donc c'est un de tes choix. Et ouais, on sait maintenant. Maintenant, les auditeurs commencent un peu à nous cerner. Hein. Moi qui suis un peu plus heavy, power. Toi, t'es un peu plus rock'n'roll. Un peu plus, oui. Voilà. Le slasher, lui, c'est menu découverte tous les jours. Oh, ouais. Voilà. Eh ben, c'est bien. Tiens, en fait, j'ai retrouvé la date concert. Oui. Donc, c'est le 23 septembre au Titan Club, Lens, Belgique. Oui. Belgique. Donc, il y aura Existence et Overdrivers. Overdrivers. C'est un bon plan. Hein, ces un deux bon plan. Là. Un bon plan. Oui, enfin, les deux. Les deux se plaisent. Les deux se battent, là. C'est voilà. Deux super bons groupes. Hein. Tout à fait. Et en plus, des groupes français, qu'on se le dise. Exactement. Allez, on s'écoute donc ton titre. Le groupe Stryker avec le titre Born to Lose. C'est parti. Waouh. Alors, le groupe Stryker avec le titre Born to Lose. Génial. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ben, Franchement, voilà. En fermant les yeux, je peux même dire... En fermant mes oreilles, non. Parce qu'en fermant mes yeux, je peux dire que c'est Sylvain qui a choisi ce titre. Voilà. Très, très bon choix. Encore une fois, Sylvain... On poursuit cette programmation musicale et on arrivera tout doucement aux alentours de 21h30 à la Sid Valsung, encore une fois, tout à mon avis. Fait. Encore une fois, petite menu surprise, à mon avis, pour moi. Pas tant que ça. Pas tant que ça ? Non. Non ? Ah, ben enfin, on verra bien. Alors là, on va s'écouter Cyanide 4, avec Rock and Roll Heroes, extrait de l'album Cyanide 4, tout simplement. Et on se retrouve tout de suite après les loulous. Rock and roll hero. Alors, Cyanide avec le titre Rock'n'Roll Hero. Ça bouge bien, ça. Ça bah, bouge. Le titre, hein. Comme le dit. Ouais, voilà, et Rock'n'Roll Hero. Et oui, moi, le prochain qu'on va s'écouter, c'est un truc un peu plus calme. Juste ouais. Avant de retrouver la Sylval Song, ça s'appelle Crévasé. Mm-hmm. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Brave New World. C'est pas du tout une reprise de Iron Maiden, loin de là. Mais franchement, c'est un morceau qui est vraiment, vraiment bien, bien foutu. Je vous le laisse découvrir et après, on retrouvera la Sylval Song. Of circumstance. chanson qui aurait pu être aussi dans la balade, mais non. Ouais, elle est magnifique. Magnifique. Crévasé. Ouais, ouais. Superbe. Brave New World. Franchement, c'est un titre que je voulais vous faire découvrir autre que dans une balade. Alors, il est l'heure de retrouver la Silver Song. Et tu nous as choisi quoi ? Mais je ne sais pas. Mais écoute, j'ai choisi. J'ai choisi mon groupe préféré, qui n'existe plus, mais bon, j'ai choisi Mötley Crüe, avec le titre Wild Side. Alors, pourquoi Wild Side ? Parce que Wild Side, c'est plus pour mon batteur fétiche, qui est Tommy Lee. Oui. Et sur ce... Oui, je suis dérangée. Sur ce titre. Troublée, parce qu'elle a cru que c'était Tommy Lee qui rentre en studio. Oui, voilà, non, c'est mais pas lui, mais ce n'est pas Tommy Lee. Ce n'est pas Tommy Lee qui rentre en studio. Sniff. C'est un barbu quand même, hein, bon. Ouais. Donc, comme je disais, donc, c'est mon titre fétiche, parce que c'est où Tommy Lee monte sa batterie et fait un tour phénoménal. Enfin, au début, c'était un petit tour, c'était un looping, on va dire. Comme ça, et puis par la suite, il s'est beaucoup, beaucoup amélioré avec beaucoup de techniques et beaucoup d'argent avec ce qu'ils ont gagné fatalement. Mm-hmm. Et j'avoue, j'ai mis Wild Side parce que c'est en cause de Tommy Lee surtout. Bon, je les aime tous chez Mötley Crüe. Bon, c'est vrai que j'ai un faible pour Tommy Lee, c'est vrai. Nikki Sixx aussi. J'aime beaucoup Nikki Sixx, j'aime beaucoup sa prestance. Enfin, je les aime tous, à vrai dire. Voilà. Les foufous de Mötley Crüe. Alors, lui, il est vraiment déjanté, Tommy Lee, mais très gentil, très, très, par rapport à ce qu'on pourrait croire. Je te laisse l'annoncer. Donc, Mötley Crüe avec Wild Side. Et c'est parti pour la Silver Song. Et oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Silver Song. We'll be right back. Donc Motley Crue avec le titre Wild Side pour mon batteur favori, Tommy Lee. Voilà, Tommy Lee donc. Bah, lui, à mon avis, il continue, mais pour le moment, il est un peu tombé dans son trip... DJ. DJ, voilà. Un jour, il va peut-être jouer en discothèque. Bah, c'est ce qu'il fait. Ouais. Ouais, il joue en discothèque. Ouais, mais il tournera peut-être ici en Europe, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, il fera peut-être des rêves parties. Ouais, et puis il n'y a pas que lui hein, qui fait ça. Il y a aussi le guitariste chez Ministry, Sin. Ouais. Sin Kirin, qui est DJ aussi. Et lui, il tourne. Voilà. Et ben. Il tourne et il demande pour venir partout si on a des tuyaux. À lui envoyer et tout. Je suis pas encore plombier, mais je vais essayer de faire ça. Ouais, bah écoute, tu peux le contacter pour une petite soirée au Hellbar. Hein. À mon avis, il demandera un peu trop cher pour le Hellbar. Je pense. Voilà. Alors, on poursuit cette programmation musicale avec Vendetta. C'est pas mal non plus. Mm-hmm. L'album s'appelle The Fife. Et on va s'écouter Deadly Sin. Tu verras, c'est pas mal du tout. Tu me diras ce que tu en penses. Ok. Val. Vendetta avec Deadly Sin, c'est un bon, c'est petit génial, trash, ça. Ça, ouais. Ça bouge bien. Hein. On en profite. Un petit trash sympa. Un petit trash sympa, un petit trash par-ci, un petit trash par-là. Voilà, oh non, je ne vais pas me mettre à chanter, sinon ça va faire du... je ne sais pas quoi. Alors, juste avant de retrouver encore un de tes titres, Sylvain, on va s'écouter Labyrinthe. Non, ce n'est pas le film avec David Bowie, non, ce n'est pas le film Nouvelle Génération de Labyrinthe, mais c'est un groupe, et c'est vraiment pas mal, c'est sorti chez Frontier Records. Enfin, ce n'est pas encore sorti, là on écoute un extrait de l'album qui va bientôt sortir, et on va s'écouter A New Dream, et j'en profite pour faire un petit coucou à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, oui, sur RQC. Oui, à tous nos amis, Lou, Linda, Emma, tout le monde. Agnès. Tout le monde, même du côté de l'Argentine, du côté de Chantilly. L'Argentine, oui. Du côté du Maroc, du côté de partout. A world, around the world. Around the world, les amis. Et ça nous fait super plaisir. Oui, ça fait plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, donc Suggs, on aura un interview, ça vaut le coup. En plus, vous verrez à quoi il ressemble et ce sera ici en studio. Mm-hmm. C'est toujours sympa quand on a des invités. Voilà, nous, on aime bien. Parce c'est un moment agréable. Vous verrez, on fait une interview en smoking. Non, on rigole. On reste toujours... on est les mêmes. Ouais, on est toujours identiques à nous-mêmes. Tout à fait. Allez, Labyrinthe, A New World, c'est tout de suite. A New Dreams, pardon. C'est tout de suite, c'est parce que j'ai parlé de World. Mais ouais, c'est ça. A New Dreams. Par contre, c'est vrai qu'un nouveau monde, des fois, ce serait pas mal avec la connerie humaine. Mm. Enfin, Labyrinthe, A New Dreams, c'est tout de suite, c'est maintenant. Never look back in love. Bah tu vois, Sylvain, avec une musique comme ça, bah, ça me dérangerait pas du tout de me perdre dans un labyrinthe comme ça. C'était le groupe Labyrinthe. Oui. A New Dream. Moi, tu devines avec qui que j'aimerais bien me perdre dans le labyrinthe. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Ozzy, il y a Tommy. Non, Ozzy, c'est pas le même. Il y a Tommy, il y a Vince, il y a. Enfin, il y en a plein. Enfin, allez, ton prochain titre, c'est quoi? Alors, moi, mon prochain titre, c'est un groupe que tu connais très bien. Oui. C'est The Answer. Oui, super sympa ouais, en plus. Très sympa et très bon groupe. Ouais. Ils étaient au Rhemfest cette année. Dernière. Ouais. Ouais, oui, ouais, ouais, en 2016. Donc, moi, j'ai choisi le titre In This Land. Oui, nouveau extrait de leur dernier album. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est un groupe irlandais. Voilà. Oui, exactement. Et je les avais rencontrés, moi j'avais fait l'interview pas au Rhemfest, j'avais fait l'interview au Hellfest. Super, super sympa le gars. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi que l'anglais, l'irlandais, c'est pas le même, hein. Et c'est vraiment pas du tout les mêmes accents et tout. Et des fois on s'y perd un petit peu, mais très compréhensible, mm-hmm. Il y a été calmement et c'est génial. Parce qu'il y en a certains, c'est des moulins à paroles, ils n'en ont rien oui, à battre. Ça c'est vrai. Voilà. Exactement. Voilà. Donc le groupe The Answer. Avec le titre In This Land. C'est parti. Morrison got lucky. Crazy joke and hold a crowd. Miracle John's hammering on, gonna turn his life around. Why should he apologize? He left when I was young. So the past can hypnotize, and maybe I'm the lucky one. In this land we know we stand, heaven lies too close to hell. In this land we know it makes no sense. Sharing visions of peace and unity. No! Sylva, le c'est bon, bon choix. C'est bon, ça. C'est bon, voilà. Ça, ouais. Donc, c'était The Answer avec le titre In This Land. Voilà. Alors, le prochain, c'est Nailed to Obscurity avec Protein. Tout un programme avec le titre de l'album qui s'appelle King Disillusion. C'est parti. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Nail to Obscurity avec Protein. Eh oui, encore une nouveauté. Hein. Toujours une nouveauté, oui. Mais voilà. Tu sais, moi, en parlant de nouveauté, j'aspire à voir l'album de Cyburn, le nouvel album. Parce qu'écoute, j'ai entendu dire, mon oreille qui traîne partout, qu'il y a un super hommage à notre ami Lemmy Motorhead. Eh ben voilà, donc quand on l'aura, on le jouera. Ah, écoute, j'aspire à le recevoir. Alors, à mon avis, mon petit doigt me dit que tu le recevras bientôt. J'espère. Hein. Voilà. Ouais, j'espère parce que là, ça me démange de l'écouter. Écoute. J'ai la guitare qui me démange. Non, c'est les oreilles qui me démangent. Voilà, c'est les oreilles. Voilà. Donc, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver les Midnight Monkeys Radio Show. Yeah, tu l'as bien dit, là. Oui, je m'en suis souvenu aujourd'hui. Tu t'améliores. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, nous, Sylvain. Tout à fait, oui. Et n'oublions pas qu'on a une super interview. Voilà, les Suggs avec le Slasher. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. On va vous laisser en compagnie de Midnight Monkeys Radio Show. Et voilà. Et nous, on se quitte avec Enemy Remain, No Fate, Humanity. C'est parti. Ciao. Ciao.